Donc, on accueille Pauline. Salut Gérard. Bonsoir. Nicole. Bonsoir. Marie-Monique. Ouais, salut. Fred. Salut Gérard. Salut. Cure-dent. Salut Gégé. Et Cédric. Salut Gégé. Donc, alors, la première question sur les stations. Allez-vous souvent dans les stations-service? Oui. Oui, qui? Oui, Marie-Monique. Oui. Bah, je vais faire le plein, donc ouais, j'y vais. Mmh. D'accord. Oh, alors? Oh, vous vous réveillez, là? Eh, hey, mais oh, vous vous réveillez, là? Ouais, c'est Pauline, ouais. Ouais, alors? Ouais, non, moi, j'y vais jamais, mais sauf pour acheter de la bouffe, ouais, j'y vais, ouais. Mmh. Nicole? Ouais, ben moi j'y vais dans les stations-service, c'est pour faire le plein et pour rencontrer de jolis garçons. D'accord. Fred? Bah écoute, moi j'y vais simplement pour gagner des cadeaux, tu sais, les assiettes, tout ça, les bons, les ouais, peluches. J'en ai 50 chez moi. Mmh. Cure-dent? Bah j'y vais pour aller aux chiottes. D'accord. Et Cédric? Ouais, ben bah, j'y vais bah, quand j'ai besoin d'un service, quoi, d'un coup de main. D'accord. Non mais attendez pas que je vous demande à chaque fois pourquoi vous y allez, hein. D'accord. Parce que là, vous commencez à me les gonfler, là, déjà, dès le début, hein. Ah, on t'entend mal, Gégé. Ouais, bah, vous m'entendez mal, vous avez qu'à vous réveiller aussi un peu, hein, parce c'est que ça... C'est très loin, Gérard. Bah, pour les peluches, Gérard, de toute façon. De quoi? Pour les peluches, on y va, en fait. Ouais, bah, peut-être, mais c'est pas... Y a pas que ça, hein, pour... Bah si, y a que ça. Et toi, tu vas pour quoi, toi? Bah, moi, j'y vais, c'est pour... bon, j'ai pas... Téléphone. Ouais, qui c'est qui s'amuse à ça, là? Allô? Oui. C'est toi, ça, je sais. Oh, c'est qui, là, qui s'amuse avec un téléphone, là? C'est qui joue avec un téléphone? Bon, continue. Personne, vas-y, continue, pose ta question. Ça, si ça joue comme ça, ça va sauter d'entrée, hein, je vous préviens d'entrée. C'est Sandy. Bah alors, il y a la première qui recommence à ça, je vais virer les trois nanas, je vais en reprendre d'autres. Faites gaffe à vous. Attention. Oui, d'accord. Vas-y, je pose ta question. Donc, pendant l'été, avez-vous été dans les stations thermales? C'est quoi une station thermale, Gégé, explique aussi. C'est une station thermale, c'est de, bon ben c'est un truc pour une station thermale, c'est une station thermale. Ouais, c'est pour prendre la température. Mmh. Ah ouais, d'accord. Non, pas spécialement. Ah bon. Et Nicole, comment ça se passe? Ouais. Ouais, ben moi j'y vais, c'est pour soigner mon rhumatisme. Mmh. Donc j'ai les os un peu fragiles et puis moi je me fais on fait des massages avec la boue. De l'argile, tout ça, c'est cool, quoi. Les jets de douche tout froid dans le dos. Ouais, ça me remet d'aplomb parce que je souffre de rhumatisme, ouais. D'accord. C'est Fred, là. Ouais. Ouais, ben moi aussi, j'y vais aussi pour me relaxer, me décontracter et tout. Puis ils font souvent des promos aussi pour les cadeaux et j'en ai eu pas mal, quoi, là-bas. Non, mais attends, Fred, tu dégages. Non, Fred, tu dégages. Parce que... dit, Gérard. Non, mais tu commences à m'arrêter. Dans les stations thermales, j'ai jamais vu de cadeaux, hein. Si, on a gagné à la télévision des jeux. Mais si tu regardes trop la télé, mon pote. C'est vrai, Gérard, une semaine dans une station, c'est pour ça que... Ouais, moi, j'ai gagné un bon 100 balles, moi. Ouais, ouais, mais il y en a qui regardent trop les pubs à la télé. Bah, je vais sur un Deville, moi. Excuse-moi, Gégé, il y a une question d'un mec au standard qui vient de m'appeler et il me demande si on peut faire le plein dans une station thermale. Non. Bah, si. Ah, le plein de quoi? Bah, justement. Bah, le plein de quoi? Le plein de force. Le plein d'essence, de plomb, gasoil, du coup. Ouais, ouais, c'est ça. Dans une station thermale, tu vas faire le plein de gasoil, quoi. Bah, ouais, mais t'es complètement cerbé, Nicole, hein. Prends des bains au gasoil. Ouais, tu prends les bains plutôt au gasoil. Cure-dent. Ouais. Oh, tu travailles ou quoi, là? Ouais, je vais à Deville, moi. Ouais. Ouais. Attends, 5 minutes. Oh, mais Fidlard, s'il te plaît. Oui, Gérard. Tu me réveilles, là. Tu me les réveilles, là, Cure-dent et puis Cédric, là, pour peut-être qu'ils se réveillent un peu, là. Genre, Philippe, un petit bananier. Oui, et Monique, là, vous vous réveillez, là, ou quoi? Oh, tu te réveilles? Ouais, ça y est, on est réveillés. Non, je veux dire, on est réveillés, vas-y, Pauline. Voilà, Marie-Monique. Ouais. Ouais, bah moi je vais dans les clubs échangistes thermales. Mmh. Tu fais plein de trucs dans la boue, tu fais des trucs sous la douche et c'est vachement sympa, ça relaxe. Hein. D'accord. Pauline. Ouais, moi je vais en thermale mais pas en station, moi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, bah je vais en thermale mais pas en station, quoi. Il y a des stations thermales, mais explique pourquoi tu vas pas en station thermale? Parce que je vais en thermal et pas en station. Non, parce que station, moi, c'est station de ski, mais non, moi, je vais pas en station, quoi. En thermal, c'est tout. Mais il y a station de ski et station thermale, hein, je suis désolé. Ah, il y a station thermique. Il y a les bandes. Mais n'importe quoi, les bandes, tout ça. Non, mais il y en a, là, je crois que vous êtes en train de dormir, là, pour l'instant. Gégé. Quoi? Les dents turques, tu connais ou pas? Non. C'est qui dit ça? C'est Cédric. Non, je connais pas. Et ah bon? Quoi? C'est Nicole, tu t'es jamais fait masser dans une station thermale, t'es jamais allé? Non. Ah bah c'est très relaxant. Hein. Moi je vais dans les hammams pour les hommes. Ah. C'est mieux? Ouais. Mmh. Pour faire à l'antenne. Cure-dent. Ouais. Et toi? Bah je vais dans les hammams moi. Cédric. Bah je viens de te dire, je préfère les stations thermiques. C'est quoi un hammam, Gérard? Un hammam, c'est un truc pour se relaxer qu'on accroche aux arbres. C'est un hamac, ça. Fred. C'est vraiment trop bête, Gérard. Oh. Bon, bah. Attends, tu sais qui vient de dire que j'ai fait trop bête? C'est Nicole. Ah ben, Nicole, ça va pas, non? Tu calmes, ma pauvre. J'en connais tout à l'heure qui vont gerber. Calmez-vous, les enfants. Fred, tu travailles? Ouais, je suis là, il n'y a pas de problème. Bon, alors, tu réponds? Écoute, moi, ouais, de toute façon, c'est normal, j'y vais souvent, ouais, parce que je te dis, c'est relaxant, c'est agréable, et il y a plein de femmes, quoi. D'accord. C'est vrai que c'est bandant, quand même. Ouais. Bah non, vous êtes pas pour le premier débat, vous dormez un peu, là. Ah, ça fait long, pas, Gérard. Bon. C'est Séverine, bien. Salut, Séverine. Salut, Séverine. Cochonne, Séverine. Ah, Séverine. C'est quoi, ça avance? J'arrive. Eh oh, qui c'est qui s'amuse, là? T'attends deux secondes, j'arrive. Qui c'est, là? Le téléphone, là, t'attends. Oh, j'arrive. Bon, c'est qui là qui le mec qui klaxonne là? Putain, mais ferme ta fenêtre, sans déconner. C'est bon. Bon alors, c'est qui là? Oh, il y en a ou quoi, merde? C'est Paul. Vas-y, fais la question suivante. Non, mais attends, moi je veux savoir qui c'est qui s'amuse à klaxonner derrière. Mais on s'en fout. Il est dehors, elle a pas fermé sa fenêtre. C'est pas, il est parti. Il y a un embouteillage dans ton verre, ferme la fenêtre, c'est tout. Bon, vas-y, c'est quoi ta question? Bon, pensez-vous qu'il n'y a pas assez de place de stationnement? Attends, t'es gaillé, on prend rien. Où dans les stations de ski? Pensez-vous qu'il n'y a pas assez de place de stationnement? Partout. Dans les stations thermales? Non, dans les stations de ski. Soit dans les stations de ski ou quand il y a des matchs. Oui, les stations de ski, c'est basé pour se garer, hein. Alors moi je peux, c'est Fred là. Oui. Alors je suis allé au Stade de France et on m'a volé ma voiture. Ça fait la bonne pub, hein. Ça fait une super pub, hein, Fred. Ouais. Écoute, je sais pas, hein. Et je te parle des places de stationnement, je te demande pas si on t'affichait ta voiture. Ah mais je l'ai retrouvée, hein, je l'avais mal garée, quoi. Ah oui. Ouais. Mais Nicole. Ouais. Ouais, bah moi je dis qu'il y en a pas assez, hein. Pourquoi? Bah écoute, aux heures de pointe, à n'importe quelle heure, c'est toujours plein. Et c'est chiant, quoi. T'es obligé de descendre ta voiture et de la garer n'importe où. Tu la gares où tu veux, tu t'en fous. Ah, tu viens en métro. Tu trouves des coins isolés, hein, parce qu'il n'y a pas de place. Sur le noir, là. Cure-dent ou Cédric, là, vous répondez? Ouais, bah, moi, je trouve qu'il y a trop de places de parking, ouais. Non, il y a trop de pollution. Non, il n'y en a pas assez. Tu te fais embarquer ta voiture à la fourrière, tu la retrouves, elle est avec des Pékinois, des TKL, des Kébars et tout ça. Ça d'accord, il y en a plein dedans. C'est vrai. Une dizaine dans la mienne. Bah, c'est moi la fourrière, c'est moi. Ah, d'accord. Cure-dent. Ouais. Tu travailles? Bah, je t'écoute. Non, mais attends, Cure-dent, tu dégages. Allez, parce que là, tu m'énerves. Mais pourquoi qu'est-ce qu'il a fait? Bon, attends, je lui pose la question, il comprend même pas. Allez, il gerbe. Mais c'est Cure-dent, qui avait répondu, tu demandais à Cédric. Mais non, c'est Cédric qui avait répondu. Oh là là. Ouais, mais je pense qu'il dorme là ce soir. Hey, Pauline, là, tu travailles ou quoi? Ouais, c'est bon, je suis réveillée, ouais. Bon alors. Vas-y, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Ah, tu te fous de moi là ou quoi, Pauline? Est-ce qu'il y a assez de place? Ouais, il y a assez de place. Pensez-vous qu'il n'y a pas assez de place? Eh, c'est quoi là ce bruit là? C'est un mec avec. C'est un routier, c'est le cure-dent, c'est un routier, il est en camion. Putain, mais va fermer ta fenêtre sans déconner. T'appelles d'une station service, ça tombe bien. D'accord. Bon alors, Pauline. Oui. Pensez-vous qu'il n'y a pas assez de place de stationnement? Réveille-toi s'il te plaît. Encore une? Oui, il y en a assez, mais il y a trop de voitures. Bonjour. Bonjour. Bon, je sens que ça va. Cure-dent, il va sauter. Mais Cure-dent, je l'ai mis en attente, c'est même pas lui. Alors arrête de dire des conneries. Bon, alors c'est qui? J'en sais rien. C'est Paul. Bon, Marie et Monique. Oui. Alors moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Parce que quand je vais à un père ou quand je vais à Mammouth, il n'y a jamais de place pour garer. T'es loin, et puis c'est chiant, il n'y a pas assez de place. Mais tu vas en vélo, hein. Bah ouais, mais avec. En vélo, quand tu vas faire tes courses, c'est pas pratique. Et bah, tu prends un sac à dos. Ouais, mais. Charlie Caddy. Bah ouais, bah voilà, tiens, c'est qui vient de dire ça? C'est Cédric. Ouais, ben, pour, avec un caddie, tu peux aller jusqu'à ta voiture quand même. Ouais, mais tu prends tes patins à roulettes et tu pousses le caddie avec tes patins. Bah voilà. C'est même chiant, tu tournes 3 heures, il y a des connards. Tu piques le caddie d'une vieille dans le supermarché, ça suffit. Ouais, ouais. Tu la pousses, la vieille, tu prends. Ouais, mais de toute façon, t'as des klaxons sur les caddies maintenant. Comment, hein? T'as des klaxons maintenant sur les caddies. Ouais. Ah bon, c'est nouveau ça. Bah, dans les stations. Bah ouais. Service, ouais. Bah si, hein, faut que tu vas à Mammouth, hein, y a des klaxons sur les caddies. Hein. Ah bon? Bah bon. Ouais, ouais. Il y a des feux rouges, même, maintenant, entre les allées. Ouais, c'est vrai. Non, ouais, bah oui, parce qu'il y a... T'as ton permis de caddie, GG, ou pas? Oui. T'as ton permis de caddie? Mmh. Ah, c'est cool. Priorité à droite, ouais, ouais. Putain, tu te fais aligner, en plus. Ouais, mais ça, de manière, il y a des feux rouges, maintenant, s'ils mettent des feux rouges, c'est parce qu'il y a eu sûrement des accidents. Des accidents mortels, ouais, c'est sûr. Et GG, depuis, t'as ton permis de caddie depuis quand? C'est qui, ce joli voix, là? Ça, c'est Nicole. Ah, Nicole. Vas-y, GG, dis-moi. Bah, depuis peu. Ah, depuis peu. Ah ouais, parce qu'en fait, bah ouais, parce que moi je l'ai pas encore passé, j'aimerais bien le passer, quoi. T'as quoi comme voiture, GG? J'en ai pas. Caddie. Tu fais des dérapages au frein à main avec ton caddie, GG? Non, je le balance dans les jambes des gens. Non, mais souvent. Sur ton caddie, GG, ça fait du tuning comme des gens qui arrivent. Ah, il est malin, il est fort. Pourquoi moins de place de ça? Comment? Tu sais qui vient de parler? Je t'ai demandé si t'avais fait du tuning sur ton caddie, si t'avais mis des jantes larges, un pot chromé, tout ça. Non. Non? C'est vrai, ça tape. La Sibi? Non. Oh, la Sibi sur le caddie, t'as fait trop fort. Bon, on continue là parce que ça commence à dormir et j'en fais pas. C'est pour ta question. Pourquoi moins de places de stationnement pour la Coupe du Monde? Ah bah voilà. Ça commence à m'énerver là. C'est parce qu'on. GG, GG. Eh, cure-dent! GG, c'est Cédric. Oui. Bah, c'est parce qu'on veut pas qu'en fait, si tu veux, les gens, ils vont venir de partout, du monde entier, tu sais, d'Amérique du Sud, tout ça. Mmh. Et s'ils viennent tous avec leur caddie, ça va être le bordel. Donc s'il n'y a pas beaucoup de places de stationnement, bah, ils viendront pas avec leur caddie. Mais on parle pas de caddie, on parle de voiture pour l'instant. Ah bon, avant, excuse-moi. Bah, c'est la même chose en fait. Hein. S'ils viennent, c'est Marie-Monique. Hein. Mmh. S'ils viennent avec leur caisse, c'est clair. Hein. Il n'y aura pas de place. Hein. Imagine 80 000 places, tu les mets où? Il y aller en TGV, tranquille. Ouais, mais tu gares où ton TGV? Mais tu vas en hélicoptère, non? Hélicoptère, exact, ouais. Quoi. GG? Ouais. Non, c'est Nicole. Ouais. Ouais, bah écoute, comme tu sais, à la Coupe du Monde, il y aura le monde entier qui va venir, donc l'Alaska, l'Amérique du Sud, tout ça. Mmh. Et donc chacun va venir avec son tracteur, son vélo, sa brouette, son caddie et tout, quoi. C'est le bordel. Non mais, Nicole... Avec le salon de l'automobile. Non mais, je crois que ça va pas être le salon de l'agriculture, ni le salon de... Bah, c'est le salon de l'automobile. Mais si, c'est le salon de l'automobile. Voilà, exactement. Le salon de l'automobile. C'est vrai qu'avec le tracteur, c'est pas facile. Attendez, 5 minutes. Question Minitel. Sur Minitel, on nous demande, tu as quoi comme permis? 39 ou 44 tonnes? 19. Mais Christine, c'était une 19 tonnes. Cure-dent, s'il te plaît. Dis-lui d'arrêter le moteur du cure-dent. Ouais. Tu fermes ta glace ou t'arrêtes ton moteur. Bon, attends, je vais faire la tête. Sur un parking, cure-dent, klaxon, vas-y. Non. GG? Oui. Ouais, c'est Nicole. Ah, oh, Nicole, quelle voix. Je voulais savoir, à quel âge t'as appris à conduire? Je veux dire, je parle de voiture, quoi. À 19 ans. À 19 ans? Mmh. C'est la première fois que t'as pris le volant, c'était à 19 ans. Mmh. Ah ouais, d'accord. Et tu l'as eu au bout de combien de fois, ton permis? Du premier coup. Ah, c'est du premier coup. Mmh. Ah ouais, ah bah c'est bon. T'as réussi ton code, tout. Ouais. Eh, GG, t'aimerais bien faire de la route? Peut l'avoir. Hein. GG, t'aimerais bien faire de la route, ça te brancherait? Bah, si j'en ai l'occasion, pourquoi pas. Ok. Je peux te prêter mon vélo, si tu veux. Et de la biroute, ouais. Si tu t'amuses à dire des conneries comme ça, tu vas pas rester longtemps. Ah, je plaisante. C'est Gérard, c'est Fred, là. Ouais. T'as que le permis camion, c'est tout? Non, j'ai le permis voiture et tout. Ah, ok. Et moto? Jusqu'à 80 cm cube. Et trivique. Ah ouais, j'ai joué. Et scooter des mers. Non. Sous-marin. Non plus, mais ça, c'est des permis spéciaux. Est-ce que t'as besoin d'un permis spécial, tu vois, un permis d'hélico, n'importe quoi, pour t'évader? Trivique. Non, pas du tout. Bon, Pauline. Oui, mon amour. Et oh, tu calmes. Tu calmes, Pauline. Ça va faire plaisir à Sandy. Ouais, excuse-moi. Ça va être un drame. Et les maquillés maintenant, hein. Ah oui, c'est vrai. Ah, rigole plus les filles. Hein. Rigole plus. C'est fini. Bonjour. Pauline. Oui. Alors, tu travailles? Bonjour. Bah attends, mais moi j'ai parlé, ça y est. Hein. Bon, j'ai parlé du salon de l'automobile et tout. Hein. Bon, Nicole. Voilà. Bah écoute, GG, je t'ai dit. Hein. Bon, ça va venir avec son moyen de promotion. Peut-être que t'écoutes aussi, GG. Hein. Marie-Monique. Pareil. Mais répondu, Fred. Ouais, tu veux venir comment, toi, au stade? Moi, j'y vais pas. Pour la Coupe du Monde. Non, j'y vais pas. Pour les mains, lui. Avec un camion? Non, j'y vais pas, je t'ai dit. Pourquoi j'y vais pas le foot? Si, mais je préfère le regarder à la télé, c'est de... Voilà. Voilà, comme par hasard. Non, mais à la télé, c'est mieux. À la télé, c'est mieux, parce que comme ça, si ça se bat son, ben, t'es pas dedans. Ouais, mais bon, t'as pas la pulsion, c'est quand il y a le but, t'as pas la pulsion de la foule qui monte. Ouais, mais ça, c'est pas pareil. GG. Oui. Ouais, mais Cédric, tu préfères le foot ou le foutre? Non, bah, Cédric. Cédric. Tu dis encore une connerie comme ça et tu sors. Oh, un petit peu d'humour, un bras du monde chez le mal à personne. Ouais, non, mais je te le dis tout de suite. Hein. On dit... n'en a pas eu, Gérard. Jordan, tu réponds, s'il te plaît. Ouais. Enfin, moi, j'y vais en voiture électrique, hein, j'aime pas l'essence. Ah, c'est bien. Eh, GG. Je suis contre la pollution, moi, GG, que t'en penses. T'es contre Gérard, alors. Je veux dire une chose, Cure-Dent. Tu crois qu'une voiture électrique, tu pourras la recharger le temps des 45 minutes, bah, des 90 minutes? Tu prends des piles, c'est tout. Voilà. Ah, moi, je trouve que c'est de la poudaise, hein. Mais non, tu prends des piles avant, c'est tout. Tu prends, ouais, mais non, tu prends une rallonge, tu la branches sur ta carte. Ah ouais, ouais. Ouais, mais je la range dans le stade, moi, j'ai une rallonge dans mon cas. Moi, j'ai un petit Fred, là. Il y a des places exprès, hein. Ouais, c'est bien sûr. Tu parlais du foot là tout à l'heure, pourquoi tu veux pas y aller dans un stade? T'as peur d'une basse foncière, t'as peur de la déclencher toi ou... Non, c'est que dans un stade, je sais pas si t'as vu tous les matchs qu'il y a eu pendant un moment donné, mais t'as qu'à voir aussi les supporters comment qui sont. C'est vrai qu'on se prend des coups sur la gueule. Hein, c'est non, mais c'est pour ça que... avec Sandy quoi. Comment? La tribune présidentielle. Ouais, c'est mieux là. Oh, on se calme un peu là, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a quelqu'un qui habite dans un laboratoire. Gérard, ouais, sur Minitel, on nous demande si tu as tapé dans le ballon de Sandy. Je répondrai pas. Là, je crois qu'il faudrait peut-être qu'ils arrêtent de se foutre de sa gueule parce que j'aime pas trop ça. Ouais, ça se fait pas. J'aimerais bien l'entendre, on l'entend jamais, Sandy. Ouais, on pourra entendre ta voix, Juju. Et la lunette? Elle veut pas, elle veut pas. Comment reconnaît-on Gérard dans un train? C'est le seul qui cherche les chiottes dans la loco. Oh là là! Oh, c'est bien fait, mais... Non, c'est parce qu'ils sont les Adidas. Hé, hey, Nicole, si tu continues, tu vas gerber, je te dis, quoi. Ah, mais Gégé, ça me fait rire. Ouais, tu vois, tout à l'heure, ça va te faire rire, tu vas retourner au stand-là. Ah, ok, tu vas voir. Alors, cinquième question. Ouais. Passez-vous votre ticket de métro dans les stations ou dans les tabacs? Et vous quoi? Le ticket de métro. Moi, je prends jamais le métro, moi. Non. Bah, moi non plus. Hein. Alors qui? Personne. Personne prend le métro, comme par hasard. Et puis quand je prends le métro, moi, je paye pas de ticket, moi. Et le bus, t'en fais quoi, GG, le bus? Bah, si t'as la carte orange, c'est pareil. Hein. Et l'avion, alors? Non, mais toi, GG, ta carte orange, tu l'achètes où, dans les stations ou dans les... Ou dans les bus. Ou dans les bus, ouais, dans les... Non, pas dans les aéroports. Tu peux acheter un ticket de métro n'importe où, hein. Ouais, exactement. Moi, je les achète dans les bureaux de tabac. Ouais, je vais chez l'épicier du coin. Bah, ouais, n'importe où, t'as dit. Ça, ouais, chez la rave du coin, ouais. Ouais, chez mon coiffeur, hein. C'est pas top, hein. Donc, Pauline? Oui. Donc toi, tu l'achètes où? Ah non, mais moi, je prends pas le métro, moi. Tu fais comment, alors? Ah, moi, j'y vais à pied, en patin à roulette, en vélo, en avion, en bateau. Moi, je fais du stop et le taxi. Ouais, ben, d'accord. C'est qui, ça? Cure-Dent. Non, ben, c'est pas mal. Frédéric? Ouais, non, Fred, moi. Ouais, Fred. Fred, ouais, voilà. Bon, mais attends, si je demande Frédéric, Fred, ouais, tu te tiens, merci. Cédric. Calme, Fred, ouais. Merci, GG, merci. Moi, j'ai une caisse, donc je prends pas trop le métro, non. D'accord. Fred, maintenant? Moi, je dis Fred. Le métro, c'est simple, en fait. T'as rien de banquier, quoi. Tu montes sur le toit discrètement. T'as plus la didasse. Ou entre les wagons aussi. Entre les wagons, tu es là, personne ne te voit. Bonjour, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Bonjour. Tu me calmes celui qui s'amuse à faire le phoque, là, parce que c'est énorme. Non, je crois que quelqu'un a un phoque domestique. Non, c'est Cure-Dent, il prend pas des phoques. Attends, c'est les phoques dans le coffre, j'arrête pas de foutre le bordel. Ouais, ouais. Bah, Cure-Dent, soit que t'arrêtes ou on prend quelqu'un d'autre à ta place. Ah, ça sera pas dans les cabines, je suis à côté de mon cabine. Ouais, GG. Oui. Oh, Nicole, bah, moi, j'achète mes tickets de métro au supermarché, hein. Ah. Ah bon? N'importe quoi. Non, mais ça. Ah ouais, alors dis-moi dans quel... Où? Ah, explique. Explique. Bah écoute, à chaque entrée de supermarché, il y a une sorte de bureau de tabac, et puis bah j'achète, et puis c'est bon. Hein. Ouais. Bah alors dans ce cas-là, quand on dit bureau de tabac, je crois que je me suis bien fait comprendre. Ah, mais c'est pas nécessairement un bureau de tabac, c'est un bureau de ticket, GG, c'est ouais, pareil. N'importe quoi. Si, aux entrées du supermarché, c'est parce que tu vas pas souvent au supermarché. C'est les distributeurs, c'est comme les distributeurs de coca et tout, quoi. Voilà, t'as une carte, t'as un ticket, t'en veux 10, t'en veux 5. C'est comme les capotes devant les pharmacies. Voilà, pareil, exactement. Voilà. Ouais, Gérard, tu vas te connaître, Gégé, les capotes. Ah. Ouh. Ah, Gégé. Ah. Il faut pas aller là-dedans. Allez, Gégé, vas-y, pose ta question. Toi, réponds à la question, Gérard. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, personnellement, j'achète les tickets dans les bureaux de tabac ou souvent dans les stations. Et les capotes? Les capotes dans un distributeur, d'accord? Je sais pas moi, qu'est-ce que tu fais préférer les tabacs, justement? Parce que comme ça, ça me permet d'acheter des cigarettes en même temps. Alors que dans les stations, tu peux pas. Non. Mon amour. Quoi? Je t'aime. Tu sais? Oh là là. Oh. C'est qui? Et c'est qui joue à ça? D'où c'est cure-dent, toi? Tu sais qui a joué à ça? C'est cure-dent. Il est dans un zoo. D'où tu dis que c'est cure-dent? Je suis dans la rue, moi. C'est dans la rue, hein? Ouais, je suis dans une cabine. Devant un zoo. Alors. Devant une station service. À côté des trucs. Bonjour, monsieur Dorme. C'est au quoi? Vas-y, Gégé. Mais attends, Nicole, tu permets, tu te calmes un petit peu, parce que tout à l'heure, tu as viré, parce que avec toi, si tu veux, le débat, dans 3 minutes, il est terminé, c'est ça que tu veux? Gégé, on s'en dort. Elle est mon amour. Qui c'est qui s'amuse à dire mon amour? Ouais, vous commencez à me casser les burnes, les nanas, hein. Oh, respecte les femmes, Gégé, s'il te plaît. La galanterie, c'est Cédric, la galanterie, s'il te plaît. Merci, Cédric. Elles sont charmantes, ces jeunes filles, alors... C'est vrai qu'elles sont vendantes, hein. Ouais, ça va. Charmantes. Attends, il a pas tort, hein. Ah bon? Non. Vas-y. Bon, on nous dit que toi, t'achètes pas de tickets, que tu montes directement sur Sandy. Ah, wow. Je te dis que je répondrai pas à des questions. J'avais pas compris la question, c'est pour ça. Mais c'est simple, je répondrai pas à des questions comme ça. Alors, je préviens que ceux qui s'amusent à mettre 30, ceux qui font le 36-15 comme peu de radio, rubrique directe, si vous voulez dire des conneries comme ça, c'est pas la peine d'insister, c'est pour réagir sur le débat. C'est bien simple. Et GG, c'est pas logique, ça rapporte de la thune. Ouais, mais peut-être. Mais pour insulter les gens, c'est pas la peine. Hein. Ouais, exactement. Tu payes tes capotes, l'oublie pas. Mmh. Ouais, c'est vrai. Donc, sixième question. Déjà? Bah ouais, hein. Ça va trop. Non, ça speed, là. Bah, pour leur poser des questions, quand même, aux auditeurs. Bah, de toute manière, il y en a les trois quarts qui se foutent de la gueule du monde. Mais non. Quand tu leur poses pour les tickets de métro, t'en as la moitié qui te disent non que... Mais GG, c'est pas notre faute si on prend pas le métro. Bah, donne-leur des conseils, toi. Où tu penses que tu vas aller acheter des tickets resto? Mais moi, j'ai resto. Il y a le ticket de resto, d'accord. Les tickets de métro, c'est facilement. Par exemple, voilà. Où est-ce qu'ils achètent leur ticket de parc? Mais les parcs-mètres, c'est dans un parc-mètre. Bah non. Et les tickets de rationnement. Les tickets de rationnement. Il y a aussi les piscines, il y a aussi... Non. Les tickets, il y en a partout. Et quel est le rapport entre un ticket de métro et les stations thermales? Explique-moi. Ah bah là, il intéresse du départ. Sorti de ma demeure. Donc qui c'est qui se voit mettre ça? Ça, c'est ton remix, ça, GG. Tu sais qui s'amuse à mettre ça? Dénoncez-vous! Oh là là, les filles, merde! Non, c'est pas nous! Moi je m'en fous, je continue pas le débat sans savoir qui c'est qui s'amuse à mettre ça! Dénoncez-vous! Bien sûr, c'est encore cure-dent comme d'hab! Sur Minitel, on nous demande aussi, et les tickets avec les meufs? Je vois pas le rapport! Attends, t'as un ticket avec une meuf? Merci. Je vois pas le rapport, hein! Bah si! Oh là là, un ticket avec une meuf! Tu connais pas, mais quoi? Mais attends, mais Gérard! Tu connais pas l'expression avoir un ticket avec une meuf? C'est-à-dire? Bah, t'as un ticket, tu vois, ça peut être un ticket de métro, un ticket de resto, je sais pas. À peu près cette grandeur-là, la grandeur d'un CD. Et quand t'es avec une meuf et que tu te le partages. Voilà. Ça s'appelle donner son ticket. Voilà. Ou avoir un ticket avec une meuf. Ou avoir un ticket avec une meuf. Ça t'est déjà arrivé? Non. Il a pas eu trop de tickets, il a eu beaucoup de lapins. Bon, tu sais qui s'amuse à ça, là. Tu sais qui s'amuse à ça. Mais non, je sais, il y a quelqu'un qui a un bébé qui pleure. Oh là là. C'est qui? Un bébé qui pleure. C'est qui? Un bébé. Qui s'amuse à faire des bébés, quoi. Un bébé. Ça commence à bien faire, là. Putain, mais torchez-le, foutez-lui un biberon, faites quelque chose. Vous entendez quelque chose? Moi, j'entends rien du tout. Bon, c'est qui? J'entends un petit chat qui miaule, moi. Un bébé. Non, mais c'est qui s'amuse à ça? C'est cure-dent. Non, c'est pas cure-dent. On va arrêter de dire que c'est cure-dent parce que tout à l'heure, ça va être tout le monde qui va germer. Non, mais c'est Fred. C'est pas moi. Mon frère qui arrête de dire Nicole, elle se calme. Ouais, il faut être franc, mon avis. Vachement. Vas-y, Nicole Carton. Aimez-vous, les filles. Oui. Non, mais il y a une nana qui fait ça, elle donne. De toute manière, c'est simple. La prochaine qui fait ça, je cherche pas qui c'est, Xavier. Voilà. Ça va. Allez hop, Pauline, dehors. Ah, mais attends, demande-lui si elle a un gosse au moins. Tu sais qui est, Pauline, que t'as de la musique à côté de toi? Ah non. Non. Oui. Marie-Monique. Oui. C'est toi? Ah non, pas du tout. Nicole. Bah écoute, moi j'entends rien du tout, hein, donc je peux pas te dire. Non, mais pour la petite... Mais un bébé a le droit de pleurer, Gérard. Non, mais pas à la radio, s'il vous plaît, quand on fait des débats, on s'amuse pas à faire des conneries comme ça. Ou sinon, c'est pas la peine d'appeler. C'est libre antenne, hein. Non, c'est les débats, c'est pas une libre antenne, désolé. Pensez-vous qu'il n'y a pas assez de stations de radio? Non, maman, elle est pas là. Ah, question intéressante. Alors? Ça commence à bien faire, là, celui-là. Il a besoin d'une couche. Gérard, il y a Toto qui demande à Sandy de lui rapporter son caleçon, il l'a oublié sous le lit. Oh là là, Manu! Manu, ça commence à bien faire, je te dis des questions comme ça, j'en veux pas. Mais non, mais c'est un message, moi, je fais la commission, c'est tout. J'en veux pas, je répondrai pas. Mais c'est pas pour qu'il y ait une réponse. Ben... C'est juste pour signaler que le caleçon, il est sous le lit. Ouais, ben, il se démerde. Ok. Donc, si vous voulez répondre... Oh! Alors, Jean? Eh hey, oh, tu fais quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Eh, hey, Manu, tu vois quoi, là? C'est simple, il y a personne. Quoi, là? Oui, mais c'est pas moi. Regarde, c'est rouge, là. Quand c'est rouge, là, ils y sont. Éteins voir, là. Voilà. Ça y est, j'ai éteint. Allume voir. Ça y est. Allô? Gérard? Vous foutez... Mais c'était là? Oh, il est où, Gérard? C'est parti. Bordel. C'est scandaleux. Ils ont bien vu? Mon amour, prix qu'on paye. Envoie une musique, on va... Non, c'est bon. Attends, il est là. On m'a posé la question, je te donne votre ticket. Il va y réfléchir. Pensez-vous qu'il n'y a pas assez de stations de radio? C'est là, moi, ça va mettre se finir, là. Stations de radio, vous réfléchissez, on va mettre un disque. On n'a rien compris, Gérard. Allez, hop. Mais je continue pas comme ça. Il fait froid dehors, si je la fous dehors. Je continuerai pas le débat comme Gérard, ça. Gérard, sur Minitel, on nous dit que la meilleure des radios, c'est la radio de tes dents, elle est toute noire. Ah, c'est immonde. Bon, alors, vous êtes comme merde, bateau. Ouais. Bah alors, Albator. Ben ouais, je t'ai dit, faut élargir la bande FM. C'est-à-dire? Ah, mais des cons, quoi. Non, allez, là, t'as eu le mot con, là, tu dégages pour demain. Non, allez, tu dégages, allez. Ok. Au standard, bonne nuit. Attention, Gérard, derrière toi. On passe pas sur un autre nom. Non, il passe simplement sous le nom de Pierre, c'est tout. Non plus. Ah, bah demain. Je vais rentrer sous le nom de Pierre. Non, négatif. Allez hop, bonne nuit. On nous dit aussi qu'il paraît que t'animes sur Fréquence Gay l'après-midi, c'est vrai? Non plus. Oh là là. Bon, donc apparemment vous avez l'air de vous en foutre quand on vous pose des questions. Mais non, elle fait très bien la question. Très intéressante. Moi, j'ai pas répondu d'ailleurs. Gérard, toi, t'as pas dit ce que t'en pensais. Non, mais qui c'est qui a pas répondu? Marie-Monique. Ah ben Marie-Monique, vas-y, avant que je réponde. Moi, je m'en fous. Pourquoi? Parce que de toute façon, j'écoute pas la radio. Mais alors pourquoi? La radio, je réponds. T'écoutes quoi alors? J'écoute pas la radio. J'écoute des cassettes, j'écoute des disques, mes disques à moi, je fais ma radio à moi. Tranquille. Voilà. Mais alors pourquoi tu appelles pour participer à un débat sur Voilà, je passe pas de disque, donc quand bah, si on passe de disque, déjà elle se contredit un peu la gerbée celle-là. Ouais. Non, parce que dans ce cas-là, pourquoi tu as appelé pour participer au débat? Essayez l'aspirateur là. Attends, s'il te plaît, Monique. Nicole. Nicole. Oui. Tu te calmes? Non, ouais, je suis calme. Hein. Qui c'est qui dit l'aspirateur là? Parce que je voudrais savoir qu'est-ce qu'elle voulait dire, Marie-Monique. Ouais, je suis là. Ouais, alors, tu disais? Je disais que Fun, Oh, le porc! Je t'aspire les fesses, Gérard. Continue, Marie-Monique. Je disais quoi? Oui, que Fun, c'était pas pareil. La nuit, c'est pas la radio, Fun, c'est autre chose. C'est-à-dire? C'est pas la radio. En fait, c'est ce truc que j'écoute, sauf mes disques. C'est le Fun de la nuit. Ça fait un peu radio local, quoi. Exactement. Ouais. Non, mais alors, dans cette chose-là. C'est fait par des petits gamins à côté de chez moi. Il y a le même matos, hein. Voilà. Oui. Ouais, c'est Nicole. Mmh. Ouais, j'ai une belle jambe. pas, c'est scandaleux. C'est pas putain, mais c'est n'importe quoi. J'ai... Non, Nicole, tu te dépêches. Excusez-moi, avant qu'on parle avec Nicole, on accueille Xor à la place d'Albator. Moi, ouais, bien sûr. Non. Tu viens demander trois malins. Mais non, Gérard, tu me connais. Ouais. Allez, bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut. Bonsoir. Salut, Stéphanie. Salut, Gérard. Oui. Oh, ça commence à bien faire, celui qui joue à ça tout à l'heure. Moi, je vais pas faire le deuxième débat, ça va aller vite. Oui, bonsoir. Oui, je t'écoute, Gérard. Bon, Stéphanie, pour toi. Oui. Quoi? Bon, tu travailles ou quoi, là, toi? Mais de quoi? J'ai déjà répondu, là. Ben, ah bon? Non, c'est Nicolas qui voulait dire un truc. Bon, il sort. Ouais, ben, écoute, je suis animateur sur une radio locale qui s'appelle Radio Furoncle. Ouais. Et ben, je suis pour les radios, spécialement les radios locales, parce qu'après, ça permet de pouvoir travailler dans des grandes radios comme Fun Radio, et je voulais savoir si toi t'étais passé par une petite radio locale avant de faire de l'antenne sur une radio nationale. Est-ce que t'as couché, Gégé? Non, il est passé sur Radio Pistule. Mais laissez-le répondre. T'as fait de la radio locale, Gérard? Non. Ouais, Radio Pistule. Tu sais qui vient de dire ça? Non, c'était Panari FM. Gérard? Panari FM. Une question Minitel. On nous dit sur Minitel, non, c'est pas une question, c'est une affirmation. Ouais. On nous dit que Sandy, on l'appelle la station Mire car elle adore sucer l'orbite de Gérard. C'est de la poésie, Gégé. Oh, Manu. Manu. Manu, tu laisses les messages comme ça, tu les passes plus. Ah, non, tu prends les adresses du Minitel. Ouais. Tu prends les adresses. Ouais, okay. Ouais, pas tu reviens quand même. Ouais, t'arrêtes là, s'il te plaît. Pas de gueule, c'est ma chérie. Putain, attends, j'ai un temps, je descends. Ouais, Manu. Ah, mais tu vois, je viens de te voir. Oh merde. T'as vu que c'était moi qui mettais le boum. Ah, toi, manque de peau, je viens de te voir faire. Merde alors. Ah, t'es grillé, Manu. Grillé. Ah, merde. Ah, bah, après, tu nous accuses, Gégé. Tu vois, j'en ai pas de soucis. Non, mais ça y est, j'ai vu qui c'était. Voilà. Gégé ? Oui. Ouais, c'est Nicole. Ouais. Je voulais savoir qu'est-ce que t'écoutais. Bon, Manu, s'il te plaît. Tu commences à me faire chier là aussi. C'est rouge, Gérard. C'est rouge. C'est rouge. Bon, ouais. Ça marche. Manu, là, ma deuxième pause, c'est rouge, ça marche. Oh, Gérard. Oui. Tu réponds ? Vas-y. Bon, et moi, Gérard. Tu vois, là, c'est moi. Avant, c'était pas moi. Ah, Manu, avant, ah bon, c'est bon. C'est scandaleux. Radio Londres. C'est une honte. Voilà, Nicole. Oui, c'est Gégé. Quel rap. C'est pas moi, Gérard. Alors. Bah, on m'écoute pas, Gégé. Si on t'écoute, Gégé. Gégé. Allez, vas-y, on est toutes avec toi. Gégé, t'écoutes. Vas-y. Essaye encore. Allez. Gégé, je te dis, qu'est-ce que tu écoutais comme radio dans ta jeunesse? Mais à ton avis? Bah, je sais pas. Radio. Dans ta jeunesse, tu crois que c'est une radio? Quand t'avais 20 ans, ça existait, toi? Ouais, exactement. Bien sûr. Mais je comptais pas. Pauvre cave. Et toi-même, abruti. Mais je sais qu'est-ce que t'écoutais. Bah, avant, c'est-à-dire. Bah, dans ta jeunesse, quand t'avais 20 ans. Quand t'avais la radio. Avant d'être. Radio accordéon. Mais laissez, je vais répondre. J'écoutais RTL. Voilà. Oh là là. Oh là là. Oh là là, les good boys. Top Gégé. Regard, hein, Gérard. C'est scandaleux, Gérard. C'est scandaleux. Donc, on pose la prochaine question. Ah ouais. Mm-hmm. Donc, croyez-vous que les stations de métro sont propres? Ça dépend par rapport à quoi? GG. Avant ou après ton passage? Non. Putain, on rigole, oh. Allez, faut rire. Ouais, là, qui c'est qui veut répondre? C'est Xor. Ouais. Ouais, ben ça dépend par rapport à quoi. Si c'est par rapport à chez toi, ouais, elles sont top nickel, ouais. Bon, ben bah, Xor. Au revoir. Bonne nuit, Xor. Bah, quoi, je compare, je me demande. Non, mais c'est bien, t'as comparé, ben maintenant tu repars chez toi, tu vas comparer chez toi si c'est propre. Allez, bonne nuit. Non. Pourquoi? Donc, cure-dent. Ouais. Cure-dent. Bon, allez hop, cure-dent pareil. Non, mais là, Mais non, parce qu'en fait, je me suis trompé, j'ai viré cure-dent au lieu de virer Xor. Eh ben, tu vires Xor et tu rappelles cure-dent. Bah, il est là. Je suis là, j'ai Xor, j'arrête pas de gueuler, vous m'entendez pas. Bon, alors, cure-dent pour toi. Ouais, ben, c'est propre, les couloirs, ouais. Mais tu crois? Bah, ouais. Pourquoi? Bah, pendant un bout de temps, là, c'était pas tellement propre à la station. Non, mais parce qu'il y avait la grève des contrôleurs. Ouais, mais non, pas des contrôleurs. Ouais. Bah, si. Gégé? Oui. C'est Nicole. Ouais, moi je voudrais dire en fait les stations de métro elles sont des 5 rades. Hein. Mmh. Pas non, mais de toute manière, pour voir aussi les gens comme... bon, bah, maintenant, tu me diras, avec ce qui s'est produit, les poubelles, elles sont fermées. Mais dès que, même quand elles étaient ouvertes, tu avais toujours... Comment ça, ce qui s'est produit, ouais, exactement, José. Non, non, mais je vais pas dire... Eh bien, explique. Bah... Non, mais c'est bon. J'ai, c'est vrai que, par exemple, je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui bouffe un truc, bah, il va pas le jeter dans la poubelle, il va le jeter... Par terre. Ouais, voilà. Bah, dans le je trouve que c'est scandaleux. Hein. Fred. Moi, je peux répondre, moi. Oui. Marie-Monique. Oui. Bon, moi, je suis pas parisienne, donc le métro, je prends pas tous les jours. T'es du quel côté? Je suis du côté de Lille. Hein. Bah, à Lille, c'est pareil, hein, y a des métros quand même. Il y a un métro à Lille. Vous parlez du métro parisien, c'est pas la même chose. Non, non, mais attends, Marie-Monique. Oui. On parle pas que spécialement du métro parisien, on parle d'un grand tout. Non, mais c'est une anecdote. Marie-Monique. Les métros, ils sont nickel. Hein. Y a des mecs avec des mitraillettes, si tu fous un truc par terre, ils tirent dessus. Hein. Non, ça c'est pour les attentats, ça c'est différent. Jean-Marc, honnêtement. Non. Ah ouais, c'est le plan Vigicorsaire là, le truc. Non, le plan Vigipirate. Récemment, moi je suis allée sur Mars et honnêtement, c'est vrai que. Qui Hein? Qui c'est qui dit ça? Stéphanie. Ouais. Je suis allée sur Mars récemment. Ouais. Et c'est vrai que c'est la galère, quoi. Ouais, t'as été sur la planète Mars? Oui. Non, mais tu prenais les gens pour des canards sauvages, quoi. Ah bah, c'est au coup de ta gueule, hein, là, j'ai dit. Oui, mais mon petit amour, moi, je les dresse, moi, les canards sauvages. Ouais, mais attends, je suis pas ton petit amour, d'accord? Ah. Et déjà, une. Une. Bah, c'est gentil. Déjà, et une. Et de monter un RM. Ouais, t'as monté un harem. Bah, n'importe quoi, t'as monté un harem de ta connerie, oui. Connerie, oui. Oh là là. Merci, Non, mais aucun respect de la femme, Gégé. Aucun respect de la femme. C'est scandaleux. Mon Fred. Gégé. Oui. Bah, écoute, moi, j'en ai pris un à Belle-Île-en-Mer. Un métro, mais nickel, quoi. Super, super propre et tout. T'sais, il allait d'une plage à une autre, mais nickel. Mm-hmm. Oui. C'est moi, je suis allé à métro. C'est Nicole. Oui. Oh, celui qui pousse! Des canards sauvages! C'est le canard sauvage! C'est des canards! Putain, ça commence à bien faire là, ça va pas quand. La semaine dernière, le premier était bien passé, cette semaine, c'est un vrai bordel! Toi, tu gères rien quand on te demande de virer! Non, mais Gégé, mais qui est dans le canard? Ça devient inadmissible! J'ai rien fait, Gérard, ce soir! C'est pareil! C'est pareil! J'ai rien fait du tout! C'est pareil! On est déjà à la septième question, c'est le vrai bordel! Quand on vous demande quelque chose, vous voulez rien foutre! Attends, il sort, je l'ai viré, et là, on accueille Eric à la place! Oui, bonsoir. Salut Eric. Salut tout le monde. Salut Eric. Salut Eric. Oui, alors moi je voulais réagir pour dire que bah, le métro à Paris, c'est vrai, il est dégueulasse. Mmh. Tout le monde, franchement, c'est dégueulasse. Bon, vous aurez été super quand on répond. Par contre, moi j'ai souvent voyagé et à Tombouctou, par exemple, le métro, il est nickel et on devrait prendre exemple sur les métros d'Abidjan, Tombouctou et toutes ces villes-là, quoi. Ouais. Marrakech, il y a pas de métro, il y a un réseau de tramways. Les tramways qui sont assez bien aussi, ouais. C'est pas mal, ouais. Gérard. Attends, Nicole, s'il te plaît. Nicole, s'il te plaît. Non, c'est pas moi, c'est ça qui parle. C'est qui? Je sais pas. Bon, non, il y a quelqu'un qui vient de parler. On nous dit sur Minitel, Gérard, il n'y a que le métro qui ne lui est pas rentré dans le trou du cul. C'est des questions comme ça, j'en veux pas. Ah oui, merde, c'est vrai. T'es un peu con ou quoi? Ouais, c'est moi, j'avais oublié. Non, mais GG, faut filtrer le Minitel. Non, mais... Bah, c'est ce que je fais, hein. La preuve que non, tu le filtres pas, hein. Ça sert rien que des questions. Ça dépend dans quel sens on appelle filtrer, quoi. Bon, alors... Ouais, moi, je te dis, GG, en Alaska, le métro, il est nickel, hein. Ouais, mais attends, je réponds à Eric, là. C'est Eric qui disait que... Ouais. Je vais te dire, moi, je peux te dire une chose, c'est que j'étais en Allemagne, même en Allemagne. C'est pas vrai. Tu parlais allemand, toi? Tu parlais allemand? Non, mais j'étais clairement... Salut, comment? Je voudrais bien répondre, s'il vous plaît, merci. Ouais. C'est que là-bas, si vous mettez un papier par terre, même en Angleterre... C'est pas vrai. Si. Vous avez une amende. En France aussi, on a une amende. Non. Et là, il y a une des deux filles entre Stéphanie et Marie-Monique qui vient de dire que c'est moi qui allais payer. Et Nicole, elle est où, Nicole? Non, c'est pas Nicole. Mais on peut avoir que des amandes ou on peut avoir des noisettes aussi en Allemagne? Des noix de pécan plutôt. Et qu'est-ce que t'as été foutre en Allemagne, Gérard? À l'armée. Ah, t'as fait l'armée en Allemagne? T'as fait l'armée en Allemagne, tu sais, tu peux avoir des nouveaux Presley, là. On a bon, allez, tu me chopes les deux, là, que tu leur demandes cascade entre Marie-Monique et Stéphanie. Allez, c'est pas moi. Non, non, c'est pas toi, je reconnais une voix douce, hein. Gentille. Oh là, GG. Je sens que c'est là que tu vas virer vite fait. Ça va vite virer entre Fred Purdan et Eric. Hein. Ah non, ça va gerber là. Hein. Sans que ça marche, c'est un mec. On se calme, les auditeurs, on écoute Gérard. Oh, merci. Non. Alors pensez-vous que le stationnement devrait être gratuit toute l'année? Oui. Oui, oui. Ouais. Qui Eric. Bah, quand tu vas faire du ski dans les stations de ski, il faut bien que tu gardes ta voiture. Donc déjà, tu as le forfait à payer, la location des skis et tout. Donc il faudrait que le stationnement dans les stations de ski ou les stations thermiques, thermales, anales, tout ça, il faudrait que ça soit gratuit, voilà. Non mais attends, je parle des stationnements. Bah ouais, stationnement avec le caddie ou la voiture, comme on a dit. Comme mais non, mais je vois pas le rapport avec le caddie. Le caddie, c'est pas une voiture. J'ai mal compris. Pensez-vous que le stationnement devrait être gratuit toute l'année? Bah oui. J'ai compris, je suis pas d'accord. Oui. Alors le lundi oui, le mardi non, en janvier non et en février non. Sinon le reste de l'année ouais. Ouais. Bon, ouais, je suis d'accord. Ben, ouais. C'est toute l'année. Non, toute l'année non. Ça peut pas non. Non. Parce que ça ne sait pas, c'est tout. Ouais bah écoute moi je voudrais faire une petite revendication. Ouais. Que dans les stations service, j'aimerais bien que le stationnement soit gratuit quand même. Ah bah c'est clair. Nicole. Oui. Mais non mais. Nicole, c'est toi qui viens de répondre à ça? Oui, bah écoute, dans les stations service, c'est toujours, il faut payer, rien à voir, quoi. Non, mais attends. Et tu payes le parking. Stop, 5 minutes, s'il vous plaît. Aidez-vous, Gérard, réponds. Et les stations de pompage. Et laissez Gérard répondre. Il y a une question minute. Non, vas-y, réponds d'abord, c'est pas grave, vas-y, Gégé. Bon, non, bah, donne la question minute, ouais, c'est une connerie, c'est pas la peine. Non, c'est pas une connerie. T'as fait ton service en Allemagne, donc. Ouais. On nous dit que c'est ta faute si le mur de Berlin, il est tombé. Ouais, c'est même pas la peine de dire ça. Hein. Putain, mais Manu, on t'a dit quand c'est une connerie, tu la fermes. Je sais pas, ouais, c'est une question. C'est vrai. Mais tu vois la suite après. GG. Oui. Et comment je m'appelle, Eric. Mmh. Je voulais te demander qu'est-ce que tu pensais des stations de pompage. C'est-à-dire? Bah, je sais pas, c'est non, mais attends, les stations de pompage. Non, mais Eric, ta question, elle est complètement con, j'y répondrai pas. Est-ce que tu peux répondre, Gérard, à la question qu'avait posée une des filles, je sais plus laquelle? Pourquoi, tu penses que les stations-service sont payantes et ça te gagne, ouais, je sais pas. Nicole. Ouais, parce que quand tu vas à la pompe, il faut payer. Bah oui. Le tiers-pompé, il faut payer. Il faut payer aussi, hein, pour... Attends, pendant 2 minutes, tu fais plein. Attends, tu es obligé de payer les 2 minutes, hein. Attends, t'as vu ça où, dans quelle station? Dans les stations-service du monde entier, hein. Ah non, mais attends. Déjà, Non, attends. Attendez, je vais y répondre à Nicole, parce que pour l'instant, je crois qu'elle a pas tellement compris. Les stationnements, ça parle pas dans les stations-service. Tu payes pas le stationnement. Non. Alors, si tu payes, c'est que t'es vraiment cloche. J'étais en Alaska, j'étais partout en Angleterre, partout, il fallait tout le temps payer. Et même ici en France, j'ai. Non, c'est une menteuse. Attendez. C'est un truc 2 minutes, point, quoi. Ouais, non, mais, plus, ouais. C'est qui vient de dire ça? C'est moi, mais ta voiture, elle est lavée aussi. C'est ouais, mais qui, moi? Marie-Monique. Ouais. Mais attends, Marie-Monique. Dans ce cas-là, quand tu laves ta voiture, c'est normal que tu payes. Ouais. Mais tu payes pas le stationnement c'est après. Sûr, t'as le stationnement qui est. Si, c'est vrai, hein. T'as un ticket, t'as tout, hein. Où t'as cliqué, quoi. Quand tu payes l'essence, ils te taxent avec la TVA, tout attends, ça, ton stationnement d'une minute. C'est pareil, quand Gérard il va dans les boîtes de nuit gay, hein, il file 2 francs, puis on lui nettoie les fesses et puis les pattes. En parlant de ça, il a un ticket et c'est bon. En parlant de ça, on nous dit que chez Gérard, c'est pas des toilettes qu'il a, c'est des stations d'épuration. C'est pas la peine de faire l'aria sur le deuxième débat, l'aria à la pause. Là. D'accord, mais tu pourrais quand même prendre le Minitel au standard, ça me fait marrer. Non. Merde. Et à la pompe, pour faire pomper, faut payer ou pas? C'est-à-dire? Quand tu vas dans une station service, on dit aller à la pompe. Ouais. Donc je vais savoir si pour faire pomper, fallait payer, je sais pas. C'est-à-dire? Non, mais attends, je comprends pas là. Qui c'est qui parle là? C'est Eric. Ouais, tu vas dans une station de pompage, ok? Oui. Ok, tu vas dans une station de pompage, ou une station de lavage, ou une station de service, comme tu veux. Oui. Tu veux savoir, on parle bon, de... Bon, tu restes poli, s'il te plaît, parce que tout à l'heure, tu as gerbé vite fait, toi, mon pote. C'est toi qui as dit ça en plus, Gérard. Ah ouais, c'est moi. J'ai rien dit, Gégé. Bon, continue ta connerie. Parce que quand tu arrives à la pompe, quand tu arrives à la pompe pour te faire pomper, est-ce qu'après, il faut que tu payes? Non mais attends, déjà quand tu vas à la station service, si tu ne veux pas pomper, tu te sers de l'essence abruti. Bah à la pompe, ça s'appelle bien la pompe. On dit bien pomper de l'essence. Hein. Voilà. Ouais, bah, dans ce cas-là, ça s'appelle siffler de l'essence dans les voitures des autres. Non mais c'est de l'essence. Ça, ça veut dire voler. Nuance. Non, siffler, c'est quand cure tu veux taper dans le réservoir. C'est bon, Eric. Siffler, ouais. Ça y est, c'est bon. Ouais, c'est pas pareil. Siffler, ah, c'est bon, Eric, on a compris ta connerie. Non mais c'est bordel, on peut même pas parler. C'est scandaleux, moi. Cure-dent. Oui. Gégé ? Nicole, la ferme ! Cure-dent ! Oh là là là. Cure-dent ! T'écoutes, putain, j'arrête pas de parler. Et on dit pas putain ! C'est le lutin hargneux ! Bon, tu travailles ? Oh là là là là là là là. Qu'est-ce qu'ils sont bouchés ce soir, les mecs ? Même les nanas ? On a une question, une vraie, sur Minitel. Il y en a une vraie. On nous demande, est-ce que t'es pour ? Non. Arrête. Non, vas-y. On nous demande si t'es pour le stationnement gratuit pour les piétons. J'ai jamais vu que les piétons payaient, moi. Les piétons, ils payent pas. Non. Et quand ils se garent, ils font comment? Bah ouais, hein. Et toi, tu te gares où, toi? Moi? Tu te gares où quand tu marches? Non, mais attends, tu sors de ta voiture, t'es piéton. Et alors? Donc, tu payes. Quand tu vas au parc maître, tu as un ticket, t'es à pied. Donc t'aurais pas besoin de payer normalement. Et bah, tu payes dans ta voiture. Abruti. Oui, mais faut que tu rentres dans ta voiture. Donc, tu mets ton ticket dans ta voiture et tu passes. Mais non, le ticket. Ouais, mais quand tu vas prendre un ticket et que t'as pas de voiture. Voilà. Ouais. Mais tu peux tu mets le ticket. Bah, mais, si, tu payes. Mais non, hey. C'est évident. Eh oh. Moi, je suis piéton, j'ai jamais payé pour. T'appelles les flics. Bon, bah, toi, t'appelles qui tu veux. Toi, de toute manière, ta poubelle, on sait même pas où caler. Tu roules avec la poubelle du chef. Attends, tu parles de qui, là? Pas de toi. C'est bah, tu pourrais expliquer au moins, on comprend pas. Non, c'est un bizarre que je parle. Oui, on va payer le stationnement quand tu es sur une propriété privée, hein, pour le piéton, hein, tu dois payer, hein. T'es complètement, t'es aussi close que Manu, toi. Mais c'est quand t'es sur une propriété privée, t'es obligé de payer. Une question, Gérard. Ma mère est pervenche et elle peut te le confirmer, quoi. Alors, dans ce cas-là, s'il y a une pervenche qui m'écoute, qu'elle appelle. Ouais, pour savoir. Oui, c'est Marie Pervenche. Non, Marie Pervenche, je vais te faire sauter, toi. Je suis sur une enquête. Gérard, oui. C'est Stéphanie. Tu oui. Te passes ma mère, elle va te le confirmer, si tu veux. Bah vas-y. Oui. Si c'est une pervenche, ouais. Ouais. Bah vas-y. Ouais, attends, je vais l'appeler. Hein. Attendez, taisez-vous les autres derrière, s'il vous plaît. Ouais. Ah ben, si on est trop loin, c'est pas la peine, hein. 22, la l'équipe 2. Oh la vache. Gégé, profite-en pour balancer Figeo et tout ça, hein. Mais ça... Oh. S'il y a les flics, bah s'il y a les flics, tu dénonces. Oui, allô. J'ai des amendes à faire sauter, là. Mais moi, là, c'est son air, là, les autres. Oui, je vous écoute. Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. C'est Gérard. Oui. Oui, bonsoir, je suis la mère de Stéphanie. Je suis pervenche et oui, effectivement, vous devez payer un ticket, hein, en tant que piéton. Ah bon? Oui, vous avez une amende. Bah, ça vient de sortir quand, ça? Bah, c'est la loi du 19 juillet 1942. Bah, moi, c'est la première fois que j'entends dire ça, parce que j'ai jamais payé, moi, en étant piéton. Ah si, monsieur, c'est une amende de 500 francs. Ah bon? Oui. Gérard, oui. On nous dit que toi, t'es un PV à toi tout seul, et ce que tu préfères, c'est quand tu te fais sauter. Non mais attends, Manu. Ouais. Il me semble que je t'ai dit quelque chose. Bah je filtre. Non bon ben je vous remercie de votre action, madame. Je vous en prie, monsieur. Oui. Oui. Ouais, c'est Nicole. Ma mère est flic, hein. Ouais, mais attends, c'est bon, quoi. Non, mais c'est bon, Nicole, ça y est. Et ma mère, c'est le ministre de l'Intérieur. Et moi, Sandy, c'est la femme de Jacques Chirac. Je te passe ma mère. C'est Nicole, ça passe. Attends, elle va te le confirmer. Attends. Ouais, c'est ça. Maman, s'il te plaît. Maman. Alors, vous êtes Christine de côté, s'il vous plaît. Ça finit en tôle, cette histoire, Gérard. Mais non. Bonsoir, monsieur Gérard. Bonsoir. Donc, j'ai été flic et j'ai mis des PV, hein. pour le stationnement est interdit pour les piétons. Je le confirme, monsieur. Ah, ça fait 20 ans que je fais ce boulot. Mm-hmm. Je peux vous confirmer. D'accord. Eh ben, je me renseignerai et puis je donnerai ma réponse aussi. Merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi. GG. Oui. T'as des ex, pervenches? C'est qui? C'est Cure-Dent. Cure-Dent? Ouais. Mais Cure-Dent, tu vois, ça fait un bout de temps que je t'ai pas entendu. Maintenant que tu te réveilles, il sera un petit peu temps. Bah attends, je te pose une question. Ça je te réponds, j'ai pas d'ex pervenche. Ah bon? Peut-être une future, hein? Non. C'est Eric. Ouais. C'est Eric, mon père, il est travaux, il veut te parler. Eric, tu dégages. Allô? Oui, allô, Gérard. Oui, Gérard. Toi, tu veux parler au père d'Eric? Dégage, moi, Eric. Je vais dans le cul. Je vais faire sauter tout, les bébés, tu l'as. Gérard. Dégage. Tu travailles, tu le dégages. Gérard, c'est mon père, je l'ai viré. Ouais, donc toi aussi, tu vires. Toi aussi. Je l'ai viré, Gérard. Tu vires. Il était lourd, ton père. T'as même un ticket de stationnement pour les chefs de la loco. Bon, allez hop, tu me vires les trois mecs. Allez hop, terminé. Non, c'est pas les mecs, c'est les nanas. Attends. Les nanas, Gérard. Ouais, les nanas, c'est les mecs qui disent des conneries, puis vous voulez que je vire les nanas, bande de fous. C'est mon père, Gérard. Ouais, bah tu vires. Non, mais tu vires. Pourquoi? T'as pas le droit d'avoir un père différent. Ouais, tu vires. Allez hop, dégage. Oh! C'est dégueulasse de gérer des gens parce qu'ils sont différents. Tu sors, Eric, et tu te plains. Tu viens de là. Ah, t'es raciste, il y a des routiers qui sont faisés. On se calme, il va poser la question. Gérard, pose la prochaine question, on va mettre un disque. Payez-vous moins cher les stations thermales. Non, mais pareil, je ne gourre pas dans les titres. C'est quoi le titre? C'est Sodome en folie avec... Attends, tu vas voir. Les rouleaux de printemps avec du caca. Eh ben, vous pourrez toujours nous appeler au 0803-08-5000 et toujours le 0870-5000, 0803-08-5000, 0803-08-5000. Et 0800 et 5000 0800 5000 et la Belgique 0331 47 99 5000 et toujours 36 15 Code Fun Radio, rubrique directe. Et on accueille à la place de Stéphanie qui dormait Barbara, et à la place d'Eric qui avait un père Trablo, ouais. Et Patrick, voilà. Ok. GG. Ouais. C'est quoi le titre de la chanson? C'est la main de ma sœur dans la culotte d'un zouave. Ah, et qui a la place d'Eric? Patrick. Donc alors, vous avez compris la question? Tu peux la reposer? Alors, payez-vous moins cher les stations thermales? Oui. Que quoi? Que quoi? Harmonique. Attends, j'ai moins cher que quoi? Ben que les stations de sport d'hiver ou autres. D'accord. Ouais, ou que les stationnements, ça dépend si vous... ça dépend. Oui, oui. C'est Barbara. Oui. Ben moi, personnellement, je suis jamais allée dans une station thermale, donc je pourrais pas te répondre, quoi, en fait. Mm-hmm. Et tu connais quand même? Ouais, je connais, ouais. Mais GG, c'est pour maigrir, les stations thermales. C'est les stations de ski, c'est ça? Ouais, non, station thermale, c'est pour... station thermale, pardon, je vais y arriver. C'est pour station thermale, hein. Non, c'est pour... C'est pour maigrir. Non, c'est pour faire de la thalasso. C'est pour faire de la thalasso. C'est pour ça. Voilà, ouais, exactement, c'est la thalasso. Attendez. C'est pour thermaliser dans les stations. C'est quoi les thalasso? Ben, thalasso, c'est les trucs avec les jets d'eau. Les massages. Ouais, debout et tout ça. Le trocadéro? Je prends des jets d'eau dans le cul, ça fait bien. C'est qui c'est qui dit ça? Attendez, 5 minutes, Nicole. Qui c'est qui vient de dire des jets d'eau dans le cul? C'est qui? C'est pas Patrick. C'est Cure-Dent. Ouais, c'est Cure-Dent, mais c'est la vérité, tu te prends un jet d'eau dans le cul, non, quand t'es dans les cures. Attends, en thalasso, c'est ça, Gérard, mais non, mais c'est ça, hein. Non, on te met de l'argile sur le corps et puis on t'asperge d'eau. Ah ouais, d'accord. Ah, donc, rien de mal. Ah ouais, donc, ok. Gérard. Oui. Écoute, Gérard, c'est Nicole. Pour soigner mes rhumatismes, ben écoute, on mettait bien des jets d'eau partout, hein. Ouais. Et des hémorroïdes. Non, ça c'est... Non, quand même pas à ce point-là. Donc, Moi, je te réponds. Qui? Nicole. Bah, tu viens de répondre, là. Non, mais maintenant, je réponds à la question. Bah, vas-y. Bah, écoute, moi, je pense que le stationnement dans les stations thermales, c'est beaucoup moins cher que les stationnements dans les stations radio. Oui, je vois pas tellement le rapport avec les stations radio. Pourquoi? Ça répond à ta question. Ouais, mais je vois pas le rapport. Les stations radio, c'est moins cher. Il y a un tarif, il y a la TVA, il y a un pourcentage. Même dans les stations thermales, hein, je suis désolé. Mais non, mais les stations thermales, elles récupèrent du fric sans stationnement. Réfléchis un peu, j'ai Non, mais les stations radio, en fait, c'est une question de thermalisation de station, tu vois. Vers l'avant ou vers l'arrière? Vers l'arrière. Ah, ouais, non, ça dépend si tu vends. Non, mais ce qui est bien, c'est que par exemple, dans les stations thermales, comme vous disiez, les jets d'eau, tout ça. Tu peux te faire laver au Karcher pour pas cher, hein. Il y a des gens qui ont besoin. Et donc, c'est moins cher dans les stations thermales de faire laver au Karcher. Hein. Ça fait maigrir aussi. Par exemple, Sandy, elle en a vachement besoin. Oh la salope. C'est qui dit ça? C'est qui dit ça? Ça, c'est une nana. Qui c'est qui vient de dire ça? Vous répondrez pas tant que je serai à côté. C'est quelqu'un qui a piraté la ligne. Je vous continuerai pas de répondre à la question. C'est Manu. Non, c'est pas Manu, il a pas allumé son micro. Non, c'est pas moi, j'ai rien dit. Si c'est toi, c'est pas mal. Ah, mais c'est peut-être moi, non? C'est qui? C'est peut-être moi, Gérard, je suis désolée, c'est Finner, mais j'ai peut-être pas fait exprès. Non, mais tu restes poli comme ça. Bon, Manu, calme ton mec un peu. GG? Oui. Comme je te disais, il y a un pourcentage, hein. C'est-à-dire? Par exemple, quand tu stationnes dans les stations radio, t'as un pourcentage qui est déduit de ton stationnement par rapport à la station thermale ou ton service. C'est à peu près 60%. Mais d'ailleurs. Tu peux avoir aussi des réductions dans les stations service, hein. Mais Gérard, qu'est-ce que t'en penses, hein? Je vous laisse répondre, Fred. C'est Fred, ouais. Non, Marie-Monique. Ouais, c'est moins cher après 18h. De quoi? Le week-end. Ça va être bientôt, ça va être 18h18 francs. Ouais, mais ça dépend des radios, hein, parce que vraiment, dans les stations radio comme Chaton ou. Mais c'est à cause de la TVA, Si tu vas à la Bourbouille, y a pas de problème. Ouais. Mmh. Fred, ouais. Écoute, dans les stations thermales, c'est vrai qu'on paye, c'est moins cher parce que tu m'étonnes, tu te lèves le matin, déjà t'es fatigué. Et il suffit de te donner à manger tout ça, déjà tu paniques, hein, intérieurement. Et il suffit qu'après la station thermale, elle fait des prix et toi tu payes plus cher, quoi. C'est toi qui fais le chat? Voilà. Non, c'est moi qui viens de passer la main sur le micro, c'est pour ça. Ah bon? Cure-dent? Ouais. Bon, tu travailles? Et qu'est-ce qui tape comme ça? Cure-dent, s'il te plaît! Je suis là! Voilà! Ouais! Eh ben, je t'ai déjà répondu! J'ai dit que les stations thermales, elles récupéraient du fric sur le stationnement. Mmh. Et que bientôt, ça fera 18h18 francs. Ouais, mais je pense qu'à mon avis, il y a des abonnements pour ça, maintenant. Non, ouais. Mais ça dépend, forfaits. Comme au ski, il y a des forfaits. Mmh. Ça dépend aussi, parce qu'il y a des tarifs, hein. Ouais, mais c'est avec un abonnement, tu peux payer très bien moins cher qu'en tarif normal. Très bien moins cher. Non, celui qui s'amuse à faire le chat, ça commence à bien faire. C'est mon chat, je suis désolée. C'est énervant à la fin. Ça commence à bien faire. Ah, mais donne-lui du lait, sans déconner. Non, mais attends, mais à la fin, allez, Minou, il nous reste là. C'est qui? Comment il s'appelle? Minou. Allez. Minou? C'est bon, ça y est, les cannes, là, je sais. Bon, alors. Que t'en dis-je? Les filles, arrêtez, sérieux. Bon, je pense tout le monde a fait le tour de la question. On a fait tout à peu près le tour de la question. Ouais. Super, cette question. Ouais, mais c'est bien, ouais. Elle restera dans les annales. Ouais. Gérard, tu nous as pas dit ce que t'en pensais, hein. Moi, personnellement, j'ai jamais eu l'occasion d'aller dans les stations thermales, donc non. Du ski, on va te cotiser pour toi et puis on va t'offrir une semaine dans une station service. Hein. On peut dans la station thermale. Gérard, ça t'intéresserait d'aller dans une station thermale? Non, pas du tout. Non, dans une station de lavage. Marie-Monique, tu dégages, bonne nuit. Dégage qui, là? Marie-Monique. Ah, mais bonne nuit, Marie-Monique. Quand on va dans les stations, c'est aussi pour se vider, hein, c'est pour maigrir. Ouais, mais attends, Gégé, on a oublié, en fait, les stations. Il faut amener Sandy. Oh là là. Gérard, on a oublié aussi les stations service. Il y a le lavage, hein, pour les humains. Il faut payer aussi, hein, le stationnement. Non. Bah si, Gégé, il faut pour se laver, Ouais, mais attends, ça, c'est des douches, hein. Ah, les douches municipales, t'as connu, Gégé, hein. C'est ça qui dit ça. Faut pas aller trop... Non, mais... Attendez, qui c'est qui vient de dire ça? Ah, c'est un mec. C'est Cure-dent. Oh là là là là là là. Gégé? D'ailleurs, tu reprends personne pour l'instant, hein. On finit comme ça. Hein. Non, mais j'ai seulement repris une meuf. Elle s'appelle Bénédicte. Bonsoir, Bénédicte. Bonsoir, Bénédicte. Salut, Bénédicte. Bonsoir. Salut, Béné. Ça va? Salut. Oui. Oh, la musique, s'il vous plaît, derrière, merci. Quoi? La musique derrière, on n'en a pas besoin. Hein? Qui c'est qui s'amuse à mettre de la musique? On va prendre de la musique, toi? Quoi? Allô? Ah. Oui, Bénédicte. Allô? J'entends rien du tout, hein. Allô? Oui. Radio, bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui. Bonsoir. Allô? Oui, Fred, bonsoir. Tu veux parler de quoi? Oui, je voulais parler à Gérard. Oui, il est là. Mais c'est quoi ce bordel? Oui, Fred, bonsoir. Gérard? Bon, Fred, tu es pas tout Gérard. Allô, bonsoir, tu veux parler de quoi? Gérard, les mecs? Je voulais parler à Gérard. Tu me l'as dit, allez. J'ai 17 ans. Allô? Coucou, il y a quelqu'un? Manu, s'il te plaît. Allô? Non! Allô? Allô? Oh, tu, oh! Retourne là-bas, toi, là-bas. Retourne là-bas, tu restes pas là, mais ça, de la musique. Que vous avez composé. Bon, alors, ouais, les auditeurs, on écoute Gérard. Et Bénédicte, tu réponds à la question, tu viens d'arriver. Oui. Alors, Bénédicte. Oui. Pourquoi? Oui, pourquoi? Bah, sur la question que je viens de poser. Oui, tu peux me la rappeler. Alors, payez-vous moins cher les stations thermales? Je sais pas trop, hein. Moi, je suis jamais dans une station thermale. Je pense oui, hein. Dans quel sens? Vertical. Non, mais attends, Bénédicte, si c'est pour dire des conneries, c'est pas la peine de passer, hein. Non, mais je sais pas trop, hein, dans quel sens. Oui. Je voulais te dire, mais en fait, on a oublié de dire en fait que le ticket pour la station thermale, c'était beaucoup moins cher qu'un ticket de métro, hein. Ouais, et puis il faut l'acheter en station service d'ailleurs. Ouais, il faut aller dans les distributeurs, tout ça. Ouais, hein, ouais, devant les pharmacies. Ouais. Mais t'en as aussi dans les chaînes de la loco, hein. Tu sais qui vient de dire ça? Eh, les nanas, vous répondez ou quoi, là? C'est moi! Non, mais ça commence à bien faire, là, maintenant. C'est pas moi. Ça commence à bien faire, là, celle qui... De manière, il n'y a plus que trois nanas, alors. Gérard, on nous dit que chez toi, c'est tellement crade que même Monsieur Propre, il s'est mis à boire. T'es vraiment plus con qu'Olivier, toi. T'es vraiment plus con qu'Olivier. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu balances des conneries comme ça, t'es aussi con qu'Olivier, hein. Tu préfères le double son. C'est Gérard. Attends, on peut dire ça puisque c'est drôle, puisqu'on sait que c'est pas vrai, donc t'as pas à te heurter. Pourquoi tu te heurtes? J'ai dit des questions comme ça, j'en veux pas. C'est un débat, ça peut être drôle aussi. Moi, je réponds pas sur des conneries comme ça, c'est tout. On te demande pas de répondre, c'est une constatation. GG? Oui. C'est bon, on a répondu. Donc, dernière question. Oh! Ici, il y a des singes. Bon, qui c'est qui reste, là? Barbara! Et t'as qui prend la main? Oui, c'est moi. T'es là? Ben Nicole? Oui. Et Bénédicte? Oui. Bon, ok. Donc, on termine avec vous trois. Et ça peut le faire. Mais il y a quelqu'un qui va fermer sa fenêtre, hein, parce qu'il a vu la crise d'azo. Et on veut du mec. Ah, non, ouais. Non, c'est moi qui décide. Si j'ai viré les mecs, c'est qu'ils disaient trop de conneries, c'est tout. Allez, Gérard. Non, je suis désolé. Allez, juste un. Non, moi, je veux que du Gérard. Donc, pour terminer. Ça commence à bien faire. Gérard, c'est pas moi. Donc, dernière question. Mm-hmm. Après, on fait la conclusion. Faites-vous l'amour dans les stations de sport d'hiver. Alors, qui c'est qui veut réagir? Barbara. Oui. Ouais, bah moi, à chaque fois que je vais en station d'hiver, ouais, j'y vais, ouais. Je fonce. C'est-à-dire? Bah, toutes les 5 minutes, je me prends un mec différent et puis hop, dans la neige. Ouais, tu dois avoir froid après. Oh, mais non. Non, bah, c'est comme quand je me couche, quoi. Je pense à toi et j'ai envie de faire l'amour avec toi, tu vois. Non, mais tu vois, mon cœur est déjà pris, hein. Je suis prête à partager, hein. Non. Mais par contre, elle est très jalouse, donc elle partagera pas, hein. Ah, je peux te laisser mon numéro de téléphone si tu veux, et une fois que tu la largues, moi je suis là, hein. Okay. Oh, bah là, je vais te dire une chose, ça m'étonnerait, hein, que je la largue, là. C'est pour la vie, hein, je veux. Tu ferais ça pour moi, on ferait ça sous la neige. Je disais, c'est elle qui te largue. Non, ça m'étonne rien. On ferait ça dans la neige, Gérard. Dans les stations thermales. Non. Donc, Nicole, pour toi? Bah, écoute, moi, je suis pucelle. Mm-hmm. Et donc, ouais, mais ça serait cool dans les stations thermales près de la cheminée. Elle est où, cette station de sport d'hiver, la pucelle, c'est où? Comment? La station de sport d'hiver, elle est où, au lieu de la station thermale? À Courchevel. À côté de Courchevel, la pucelle. Et puis, bah, c'est cool, hein, y a la cheminée, les draps, bah, ça va être cool, quoi. Mmh. Pas de problème. Par contre, Gérard, j'ai remis les mecs pour qu'ils répondent parce qu'ils se sont calmés, donc tu peux leur poser des questions, ils sont là. Et moi, je voudrais répondre avant. Ouais, Bénédicte. Ouais, alors moi, mon surnom, c'est Bénédicte comme la bite. Quand c'est un temps thermal, en fait. Bénédicte quoi? Aime la bite. Bénédicte aime la bite, c'est mon surnom. Un très beau surnom. Oh là, le salope. Oui. Non, mais vous restez poli, s'il vous plaît, merci. Attends, c'est vrai, j'ai. Dans toutes les stations, où tu veux. D'accord. Fred? Oui. Donc toi? Bah, tu peux rappeler, parce que nous, on a été zappés, donc... Non, et bien sûr, vous aviez qu'à être un peu plus poli, vous n'auriez pas été zappés. Faites-vous l'amour dans les stations de sport d'hiver. Gérard, il y a un étudiant au meeting qui nous dit que le bruit qu'on vient d'entendre, c'est pas un singe, mais c'est Sandy qui fait de l'asthme. Quoi? Sandy qui couche? Qui fait de l'asthme. Manu, c'est la dernière fois que tu fais la réal, je lis avec moi. Bah, on veut Olivier. C'est la dernière. Et tu vas mettre qui alors? Bah, Olive va revenir pour le deuxième débat. Pour le deuxième débat, ouais. Ça sera hors de question. Donc, Fred. Bon, les conclusions du débat, quand même. C'est pas le deuxième débat, c'est tout. Ah, c'est Fred, j'ai pas répondu. Je fais pas de deuxième débat, ça t'apprendra Manu. Non, mais, allez, Manu, t'excuses, Manu, c'est bon. Ouais, pardon, je suis désolé, Non, mais je vais te dire une chose, qu'elle commence à en avoir ras-le-bol tous les jeudis d'entendre des conneries comme ça. Non, dis pas que les mecs du Minitel sont des cons. C'est eux qui laissent les messages, hein, c'est pas Manu. Ouais, mais Manu, là, il a pas à les lire aussi. Ils ne font que constater, ils affirment des affirmations écrites. Mais ils disent ça parce qu'ils t'aiment. Voilà. Non, mais moi, je les emmerde, c'est pas pareil. Je peux répondre. Fred. Ouais. Donc toi? Écoute, ouais, parce qu'il y a plein de touristes, des femmes qui viennent du monde entier, Italie, tout ça, et c'est bandant, quoi, c'est sympa. Cure-dent. Même les bonhommes de neige aussi, c'est cool. Mmh. Ouais. Cure-dent. Bah, je me rappelle plus de la question. Non, mais cure-dent, tu commences à me passer les pieds. Non, mais c'est vrai, je suis honnête, je me rappelle plus de la question. Faites-vous l'amour dans les stations de sport d'hiver? Faites-vous l'amour, ouais, sur les télésièges. Mmh. C'est tout? Bah, c'est déjà pas mal, non? Ouais. Patrick, t'as déjà essayé? Non, Gérard, c'est le tire-fesse. C'est le tire-cul, ouais. Patrick? Ouais, bah Patrick, bah il y a des purs plans à te faire, genre à poil avec les moon boots dans la neige et tout. Il y a des bons délires à te faire dans les stations de ski. Donc ouais, je baisse dans les stations de ski et je me branle aussi, ouais. D'accord. Ouais. Bon, moi je pense... Tu vas où en vacances, là, parce que... À Courchevel aussi, les Arcs, tout ça. Oui. T'as déjà fait du ski ou du snowboard ou des sports d'hiver? Non. Il a fait de la luge avec un coton-tige. Bon, les conclusions. C'est ce qu'on a déjà vu de la neige. Ouais, sur Paris, oui. Conclusion, Patrick. Elle a déjà fait pipi dans la neige. Est-ce que tu sais écrire ton nom dans la neige? Conclusion. Est-ce que tu sais faire boule de neige? Conclusion. Conclusion. Oh, calme. Merci, Gérard, fais sa conclusion, merci. Patrick. Ouais, ben moi je vais acheter alors les tickets de métro dans les stations-service, comme ça me permet d'aller faire. Ça me permet d'aller faire du ski dans les stations thermales et de me mettre des bouchons d'anus, voilà. Ouais, d'accord, et ben bonne nuit à toi. Ouais, bonne nuit. Cure-dent. Ouais, bon, mais c'est rare quand je vais skier en fait, parce que ça coûte trop cher. Et puis laisser sa voiture et tout, ça racle trop. Bon. Par contre, les plans cul, ouais, dans la neige, ouais. Mmh. À Paris, sous la Tour Eiffel. D'accord, ok, ok. Non, Fred? Bah, c'est un bon débat, plutôt surréaliste, mais qui a mis en avant de belles choses, je crois, que la jeunesse va s'inspirer pendant des générations. Mmh. Bénédicte? Oui, alors moi, je n'ai pas trop participé, hein, parce que je suis arrivée à la fin. Mmh. Mais bon, ce que j'ai entendu, c'était bien. Et puis, moi aussi, je veux bien faire un mot sur la Tour Eiffel, donc Bénédicte, t'aimerais. Ouais, j'arrête. D'accord. Nicole, écoute, je me suis bien amusée et puis le stationnement c'est un phénomène de société, donc il fallait en parler. Je crois que ça va être inscrit dans les annales. D'accord, ouais. Barbara, bah, ce qu'elle en dit, c'est vraiment super et elle est vraiment contente d'être avec toi, Gérard. Voilà quoi. Ok, bah moi je vais vous faire la conclusion. Bon moi. Apparemment, bon, il y a eu quelques petits problèmes, mais sinon, je pense que celui-là, c'est pas trop mal passé. J'espère que le deuxième se passera à peu près mieux, dans de meilleures conditions. Donc, tu préfères quoi comme station? Parce que bon, tes conclusions, c'est toujours les mêmes. Mais toi, Bon, tu me vires les trois. Ouais, je vire les nanas, ouais. Ah, les trois mecs, s'il te plaît, merci. C'était une nana qui faisait ça, mais non, non. Donc, les tickets de métro, je les prends dans les tabacs, parce que comme ça me permet d'acheter mes cigarettes. Les stations de radio, bon, je pense qu'il y en a pas assez à l'heure actuelle. On devrait virer certaines stations de radio qui passent des trucs cons. Ouais, énergie, par exemple. Non, pas spécialement énergie. Non, pas spécialement. Oh, Nicole, s'il te plaît. Pas spécialement énergie. Non, mais il y a certaines radios qu'on rien à foutre sur la bande FM et... Non, moi je suis pas d'accord, hein. Il en faut pour tout le monde. Ouais, mais peut-être. Il en faut peut-être pour tout le monde, mais moi je suis pas trop d'accord. Et ben, si ça se trouve, il y en a qui gèrent sur Fun, qui disent que ça devrait même pas exister. Voilà. Donc, laisse à tout le monde le droit de s'exprimer, même si c'est une radio pourrie, ben, au moins ça plaît à une personne. Mais ouais, mais dans ce cas-là, qui dit. C'est principe, Gérard. C'est même pas le contenu à la rigueur, c'est le principe. Mmh. Non, mais attends, GG. Ouais. C'est Nicole. Ouais, je voulais te dire, moi je comprends pas pourquoi Énergie elle est radio numéro 1 parce que je trouve que c'est une radio complètement nulle. Mais c'est eux qui le disent, c'est pas vrai. C'est non, mais si c'est vrai. Non, mais non, non, non, mais Nicole, c'est pas. C'est quoi toi les sondages hein. Non, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, voilà. Donc, ben, toi, tu fréquentes plus les stations quoi, toi? Moi, je passe plus les stations. J'aurais une voiture, je serais plus en station-service. Ah, d'accord, tirer au ski, tirer dans les stations de ski, d'accord. Voilà. Merci, Gérard. Voilà. Donc, on se